Et à l'instant, pour terminer cette édition du 19 mars de Change de disque, c'est Raymond Poirier qui est avec nous, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Cette semaine, on débute avec un retour sur la numérisation 3D. Oui, en fait, un lancement qui a eu lieu la semaine dernière, et c'était un lancement bien attendu, celui de la chaire de recherche industrielle CRSNG qui est à forme sur la numérisation 3D, qui entend essentiellement démocratiser le processus de création tridimensionnelle. De manière générale, l'objectif, et je cite le titulaire de la chaire, M. Denis Laurendeau, donc l'objectif est de mettre au point des applications innovatrices et aussi de développer des outils conviviaux adaptés aux besoins des utilisateurs et qui répondront aux exigences des futures générations de capteurs numériques 3D. On parle de manière générale de trois principaux axes d'investigation pour cette chaire, soit donc la captation multisensorielle intelligente, la modélisation et la reconnaissance, donc ici géométrie, apparence, mouvement, comportement, et enfin la visualisation et l'action avec notamment des applications web. Et on sait qu'avec la généralisation de plus en plus importante d'outils 3D, eh bien, ce développement-là arrive à point nommé et fera par conséquent aussi et de Québec et de l'Université Laval un pôle central en recherche dans ce domaine-là au pays. Et comme sujet principal, tu nous détailles un rapport de Communautique sur l'inclusion numérique des personnes à faible littératie au Québec. Exactement. En fait, on parle de manière générale, en fait, je pense que l'expression fracture numérique se place bien dans le contexte de la réflexion qu'il nous propose. Peut-être d'abord, en fait, on parle de fracture numérique de manière générale. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, essentiellement, on le sait, avec le développement des nouvelles technologies, il y a toujours le risque de laisser des gens en arrière, en fait, pour différentes raisons. Et dans ce cas-ci, on parle notamment de la faible littératie comme l'un des éléments qui peut amener à une certaine exclusion ou marginalisation, puisque ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'approprier et maîtriser les outils numériques. Et dans un contexte où, on se rappelle l'année dernière, l'ONU qui avait dit, regardez, l'accès à l'Internet risque de plus en plus de devoir être reconnu comme un droit pour l'expression de la citoyenneté, quand on sait la quantité d'opérations qui se font par le web, la nécessité de l'Internet pour s'informer, pour participer à la vie démocratique, eh bien, effectivement, cette fracture numérique devient extrêmement préoccupante. Et donc, en plus, dans le contexte là, de la littératie, la gang de Communautique qui va avec quelques éléments pour mettre à la table, il cite notamment l'enquête internationale sur l'alphabétisation des compétences des adultes menée en 2003. Pour la compréhension des textes suivis, il y aurait 48,6% des Québécois qui se situent en dessous du niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est considéré comme le seuil requis pour fonctionner en société. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de Québécois et de Québécoises qui n'ont pas des grandes capacités de lecture, et donc ces manques-là peuvent avoir un impact sur l'utilisation qui vont se faire du web. Et bien entendu, à l'intérieur de ce 48%, il y a aussi différents degrés de difficulté face à ce médium-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais pour utiliser Internet, il faut savoir écrire, il faut savoir lire aussi. Ben oui, effectivement. Tout se passe par le texte ou presque, et de manière générale, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on parle de phénomènes d'inégalités numériques qui sont d'abord et avant tout la conséquence d'inégalités sociales qui privent donc certains utilisateurs de capacité à saisir les prises positives des technologies de l'information et des communications. Et donc, ce sont des inégalités qui ne sont pas seulement liées à des défauts d'équipement ou de connexion qui suffiraient de prendre en charge, mais bien aussi à des capacités solidement ancrées, incorporées, qui sont l'expression donc d'inégalités sociales fondamentales. Et dans ce contexte-là, le rapport dit aussi que l'accès aux technologies de l'information et des communications ou leur utilisation par les catégories de la population les plus exclues ou les plus vulnérables de la société sont également soumis à des contraintes sociétales où inclusion sociale et inclusion numérique se conjuguent. Comme on disait tout à l'heure, donc un accès inégal à ces technologies-là risque d'accentuer les écarts plutôt que les atténuer. Et donc, le premier élément qu'on peut mentionner, on le dit, c'est quand même la question d'équipement. Reste que si on n'a pas les moyens de bien avoir accès à Internet, si on n'a pas les moyens d'avoir un ordinateur, ouais. Si on n'a pas les moyens d'avoir Internet, parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le 30, 40, 50, 60 $, tout dépendant des forfaits, à mettre par mois pour avoir cet accès-là, eh bien, déjà, on a un endroit où le bas peut blesser. Alors, ce que Communautique propose notamment, c'est l'idée d'appui d'aide financière à l'équipement, d'aide financière à la connexion Internet, des subventions, exemple aux fournisseurs d'accès, pour offrir des tarifs préférentiels de solidarité. C'est le terme qu'ils utilisent. Donc, pour permettre à ces gens-là d'avoir une connexion à la maison. Parce que, oui, il y en a ailleurs, il y en a à l'extérieur du domicile, mais reste que pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement cette habitude-là, eh bien, c'est plus facile de se la créer, cette habitude, chez soi, plutôt que d'avoir à se rendre à la bibliothèque à des heures fixes ou d'avoir à trouver un café où il y a des ordinateurs de fournis si on n'a pas les moyens soi-même d'acheter un ordinateur portable. Parce qu'on ne veut pas se perfectionner si on n'a pas accès à la technologie régulièrement. Et si on n'a pas accès à une bonne technologie également. Surtout. Oui. Parce qu'il y a l'autre marge, on le sait à quel point ça peut être pénible d'utiliser Internet avec des ordinateurs qui ne sont pas à jour, qui sont extrêmement lents. Et donc, ce qui fait que pour l'utilisation, bien, ça rend une action qui aurait pris quelques secondes, ça lui fait prendre beaucoup de secondes, voire quelques minutes. Et ce que le rapport signale, c'est que pour certains, il y a des problèmes de capacité de temps de concentration, donc qui sont parfois limités. Et donc, si la technologie n'est pas à niveau, et si elle est trop lente, eh bien, ça peut aussi être un autre facteur de désistement face à l'intégration de ces outils-là. Alors, c'est quand même intéressant. Et donc, de manière générale, ce que disent les gardes en tête, c'est donc l'appui solidaire qu'on a mentionné, mais également de pousser un peu plus loin et d'essayer de développer d'autres systèmes de lecture et d'accompagnement autour de ces appareils-là. Exemple, un langage simple ou une typographie lisible ou même des images et des sons pour permettre aux gens de se faciliter l'accès le plus possible pour justement essayer de trouver tous les blocages technologiques potentiels et d'essayer de les éliminer le plus possible en route vers donc l'utilisation de ces appareils. Et, il y a beaucoup d'informations, comme tu l'as mentionné, mais entre autres, il y a les sites gouvernementaux qui nous donnent, en fait, qui nous réfèrent souvent, même si on appelle maintenant au gouvernement, on nous dit « allez sur notre site Internet ». Oui, effectivement, et nécessairement, ben, on le sait, l'utilisation des sites gouvernementaux par les personnes à faible littératie, s'ils n'utilisent pas Internet, eh ben, c'est aussi une utilisation qui est très restreinte. La consultation est donc occasionnelle, souvent réalisée avec l'aide d'un proche, et dans la majorité des cas, ben, la consultation Internet est totalement absente des pratiques, donc les gens, et c'est démontré dans le rapport, préfèrent les modèles traditionnels, donc appeler ou se rendre sur place. Alors, le rapport s'est demandé un peu de quelle manière on peut réussir à bien accompagner ces gens, ces utilisateurs-là dans ce contexte. Et ce qu'on dit, c'est notamment de regarder est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de mettre en place une aide téléphonique. Donc, la personne qui décide d'appeler, mais plutôt que de dire « oui, on va le remplir pour vous, répondez à telle question », mais lui dire « d'accord, ouvrez votre ordinateur, allez à telle page, tel site, on va remplir le formulaire ensemble ». Et donc, le faire une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, ça permettrait donc aux gens de se créer une habitude par rapport à ce site-là et peut-être également de se créer une audace pour aller essayer d'explorer d'autres sites. Donc, l'idée est de proposer une formule comme ça pour que ça devienne un moyen de formation, un moyen d'apprentissage, un pas à court terme vers une certaine autonomie. Et parce que de manière générale aussi, quand on parle d'apprentissage, Tania, le cœur de l'inclusion numérique et les aspects sont étroitement liés à la bonne marche des pratiques et dans un contexte social, familial, éducatif peu favorisé, mais les trajectoires de vie sont parfois l'origine de complications, de retards dans la littératie. Et donc, ce qui fait que, selon Communautique toujours, les gens qui ont ces difficultés-là ne sont pas en mesure non plus de s'offrir une formation autodidacte. Il dit, je cite, « L'apprentissage avec l'aide d'un tiers est indispensable car les pratiques autodidactes sont est presque inexistante. Donc, les gens ne seront pas en mesure de s'installer devant un ordinateur et d'apprendre par eux-mêmes. Mais parallèlement, ils ne peuvent pas non plus demander constamment à un proche de le faire avec eux, de les accompagner, parce qu'il y a une limite aussi à l'aide que notre réseau social est en mesure, que ce soit temporellement ou que ce soit au niveau des connaissances, de nous donner. Alors, de quelle manière peut-on favoriser donc l'apprentissage dans ce contexte-là? C'est une composante qui est essentielle, l'inclusion numérique, évidemment. Les machines sont quand même complexes quand on ne les connaît pas, ça peut amener des découragements, ça peut amener donc un rejet de ces outils. Alors, ce qu'on propose, donc, c'est de trouver des manières, justement, d'apprentissage, d'accompagnement, de tutorat dans des organismes, à la maison ou autre, donc de voir un peu ce qui est en place, mais de pouvoir bonifier aussi, de mieux appuyer les initiatives qui sont en place là, autour de tout ça. Donc, c'est de savoir-faire, finalement. Oui, exactement. Et d'ailleurs, la conclusion est assez bien ficelée. Là. Si tu me permets, je te lirai l'extrait intégralement. Je te permets. Alors, ce qu'on nous dit, c'est, et j'ouvre les guillemets, Les résultats de l'enquête démontrent que l'inclusion numérique des personnes à faible littératie ne peut être comprise sans contexte. Les pratiques des technologies de l'information et des communications sont intimement liées au parcours social des participants rencontrés. Les difficultés rencontrées avant d'être techniques sont d'abord sociales. Par conséquent, les solutions à adopter proposées dans les synthèses doivent être centrées sur l'humain, favoriser l'insertion sociale, plutôt que de privilégier le seul aspect technique ou logiciel. De plus, si les technologies offrent un réel potentiel d'inclusion sociale, leur utilisation ne se traduit pas toujours ainsi. La technologie et la technodépendance, la cyberdépendance, la surcharge cognitive, la frustration engendrée par l'incapacité à tirer profit du contenu consulté sont autant de risques qui guettent les personnes les plus vulnérables dans leur initiation à l'ordinateur et à l'Internet. Donc, ça nous donne un pas vers l'avant. Si on veut aider des proches aussi, on peut soi-même devenir aidant là-dessus quand on sait que des gens ont des difficultés avec Internet, donc les accompagner là-dedans et faire sa part dans ce problème. Exactement, parce que selon Communautique, c'est cet apprentissage-là, cet accompagnement-là qui est la clé à l'autonomie. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine avec une autre chronique sur les technologies de l'information. Si on veut réentendre ces chroniques, on peut aller sur votre site web. Exactement, itis.ulaval.ca. Allez dans la section Actualité TI et chroniques. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir.